Non, j'ai tout à fait. Ça saute d'en face. Justement, moi, c'est ça, c'est que j'ai des ondes grises. Je suis capable de dire quand Plequé est bon, puis je suis capable de dire quand Plequé est soc. Ah, mais là, il est plat. Là, il soc, puis il est sans saveur, puis il est genre. Il est tout teinté sans saveur. Si, il goûte à style meurtre de G-Park, Chris. Ah, il y a deux buts en 35 games. Il goûte la plâtre, quoi. Il y a de l'air à style une canne de polyphila. Si, j'aurais plus le goût de me prendre une bouchée de baking soda, si, que je sais pas. Si, passer une soirée avec Plequé. Alexandre, vas-y. Ton moins. Bon, première chose, je vais quand même défendre mon protégé. Ben, dis ton moins. Là. Non, mais honnêtement, ça dépend tout le temps des attentes. Honnêtement, l'année passée. De quoi ton moins quoi, tu parles année, là? Attends, tu parles de ton moins. Ta femme tue. L'année passée, Plequé, il était ça à coche. Il faisait ses points à un métronome. Il faisait tout ce qu'il avait à faire. Après ça, j'ai fini ST en haut de 60 points, puis j'ai fait 20$ avec toi. Là. Non. Oui. Amnésie manette. Ben, on a pas gagé. V'là deux ans. L'année passée, c'est moi qui ai gagné. J'ai dit que Galchenyuk ferait plus de points que Plequé. C'est vrai. Puis Plequé a fait plus de points. Non. Ah non, non, non. C'est la fin de l'année. Bon, OK. Anyway. C'est bon. Fait que, ça pour dire que cette année, je m'attends pas à ce que Plequé soit sans numéro 1 ni sans numéro 2. Ça dépend de tes attentes. C'est sûr qu'il n'est pas numéro 1. C'est sûr qu'il n'est pas numéro 1. Puis il n'y en a pas de numéro 3. Parce que deux. On est comme parce que et là je vais m'en aller. Je vais m'en aller à mon moins qui s'en vient. Moi je pensais tu sais dernier dans le 1 ou 2 puis Galchenyuk 1 ou 2 parce que il y en a qui sont bandés Galchenyuk ici. Pis, moi aussi avec raison. Puis il est censé être 1 ou 2 Plequé qui ben, il est 1. Il est pas 1 ou 2, il est 1. Il est vieillissant. Oui. Puis moi, je m'attends à ce qu'il soit un numéro 3 cette année. Parce qu'on nomme plus les trios bon, à Montréal. Chris, tu dirais ce que je pense depuis tout le temps de Plequé. Ouais, Cette année, l'année passée, il était meilleur centre que Galchenyuk. Fait que, non. Numéro 1, 2. Puis il a fait ses points, puis c'est correct. Parce qu'il a fait bien des points l'année passée. Cette année, il y a un début de saison mollo. Il a pogné une coupe de pin. Ça rentre pas en ce moment. Mais ça rentre vraiment pas tabarnak, il y a trois filets désert en avant de lui, puis il l'a collé dans le fleuve. Hein. Mais, mais tu sais, à sa défense, il a jamais été flamboyant. Non. Fait que ça dépend de tes attentes. Si tu attends ce qu'il fait des esties de Spinorama dans le centre de la glace, ben, calice, tu l'aimeras pas, Plekanec. Ben, il y en a un, on avait un qui cherchait les Spinorama, puis je l'aimais pas non plus. Ben oui, mais c'est moi, je cherche un gars qui travaille, puis tu sais, Radulov, c'est pas comme s'il avait 50 points. Mais je suis pas en train de donner. Je veux voir son moins. Je suis pas en train de donner mon plus, là. C'est pas ça pour en tout. Ok, va ton point. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit extraordinaire cette année. Parce que. T'sais, éventuellement, il va lever les pattes, lui-là. Ouais, mais bon, okay. En même temps, là, Alex, là, on nomme notre moins par rapport à la dernière semaine qui vient de se passer. Je veux dire, présentement, on va pas le nommer dans nos moins genre à chaque semaine parce qu'il va faire son lot de points. Il va faire les points qu'il mérite de faire puis qu'il fait habituellement, à peu près. Genre entre 50 et 60 points, non, ça devrait jouer dans ce coin-là. Puis on en 60, asti. Il sera pas tout le temps dans nos moins, mais présentement, son début de saison... Il est pas ordinaire, il est atroce. Ouais, il est pas très bon. Fait tu sais, c'est un moins qui se défend. On savait là, que ça cognait à la porte, ça. Là. Tu sais, genre le tas de marde en avant d'une porte. Là. Mais là, tu sais, parle genre, c'est quoi ton moins? Ouais, c'est ça. Bon. Tu plais qui finalement? Non, c'est pas plais qui. Dommage. Ben en fait, hier. Avant le début de la partie d'hier. T'as une révélation. Moi, j'avais des moins en tête, puis finalement, mais. J'ai été confondu, tabarnak, parce que je voulais mettre Pacho, puis il y a deux points hier. Je voulais mettre Galchenyuk parce que je m'attendais à plus, mais il a scoré hier. Parce qu'honnêtement, je m'attendais à plus de Galchenyuk. Qu'est-ce que j'ai dit, Galchenyuk? Ouais, anyway, Galchenyuk. Ouais. Mais je m'attendais honnêtement à plus de Galchenyuk. Ses mises en jeu, il est fucking atroce. Ah, mais ça, c'est et vraiment je m'attendais à ce qu'il step up sa game, qu'il arrête de faire ses esties de fantasy, qu'il longe les bandes. Je m'attendais à ce qu'il shoot un peu plus, qu'il prenne la maturité, qu'il prenne un petit peu plus de place dans l'équipe. Honnêtement, je suis un peu déçu. Puis hier, ben, il a scoré, fait que je vais fermer ma gueule. Mais je vais aborder dans ton sens. Puis Beaulieu, honnêtement, il se suce un peu. Là. Ben oui. On s'attendait tous à ce qu'il step up. On l'attend cette année, c'est son année. Tu step up, c'est cette année. Là. Tu step up, ça fait des années qu'on t'attend. Puis là, tu joues avec Weber. Tu step pas up, fait que. Step up ou get out. Puis tu joues avec Weber, fait que t'as comme pas trop d'excuses parce que le kid, il est bien entouré. Fait que. Non, c'est ça. C'est cette année qu'il est supposé être lâche, man. Le gars, il s'est battu hier là, contre l'autre. Mais ça, j'ai cool. Pas vu le match ça, hier. Il gèle deux fois sa gueule. Le gars, il est rendu à terre. Puis il continue à le varger quand il est à terre. Mais c'est parce que. Ouais, mais...